gens qui viennent vers toi. Tu n'y peux rien, c'est ça ta vie. Le cœur ouvert, tu portes leur croix. Et eux ignorent tous tes ennuis. Tu ne peux pas faire. Allez vivre. dans la rue et de chercher un peu d'amour. Mais je suis sûr que ce jour-là, oui, je pourrais te révolte contre ceux qui te jugent. Je me révolte contre ceux qui t'accusent. Je me révolte contre ceux qui te blessent. Je me révolte contre ceux qui te laissent. Je me révolte contre ceux qui te haïssent. Je me révolte, je veux que ça finisse. Je me révolte contre ceux qui te jugent. Je me révolte contre ceux qui t'accusent. Je me révolte contre ceux qui te blessent. Je me révolte contre ceux qui te laissent. Je me révolte contre ceux qui te haïssent. Je me révolte, je veux que ça finisse. Je me révolte et j'en donnerai ma vie. Je me révolte.